J'étais partie pour continuer ce deuxième volet sur les non-dits de l'amour et tout ce que ça pouvait engendrer. Mais un moment particulier s'est créé avec mes parents l'autre jour et ça m'a paru plus juste de prendre en compte cet événement que de se tenir à un plan préconçu. On était dans le salon, mon père, ma mère et moi, après le repas. Et là, d'un coup, comme si elle venait de s'extraire d'une bulle, ma mère nous lâche. On n'en parle pas assez de la mort. En fait, on n'en parle pas du tout même. C'était un peu inattendu, mais c'était surtout une conversation à retardement, celle qu'on n'avait jamais eue pendant ces 2 mois de deuil après la mort de ma grand-mère, après la mort de sa mère. Le premier réflexe de mon père, ça a été d'esquiver. Mais elle a continué. Et je la voyais en train de chercher ses mots, comment elle essayait de me prévenir, de me protéger qu'on était mortels. On n'est pas si jeunes, nous, tu sais. Et puis, l'âge, ça veut rien dire. Regarde ta grand-mère. Et ces mots-là, ils sont rentrés dans ma tête en écho avec ceux de mon grand-père. Tu sais, on va tous mourir. Ça va être nous, puis tes parents. Regarde-toi. T'es plus une petite fille. T'es une femme. T'as la vie devant toi. Et là, je me retrouve face à quelque chose de délicat. Parce que je peux pas aller plus loin dans le deuil des autres. Ça leur appartient. Ce sont leurs mots, leur tristesse. Et j'ai pas le droit de l'utiliser ici. Mais je peux parler du mien. Je peux parler des mots que j'ai à temps écrits, de ceux que je dirai plus, de ceux que j'ai jamais pu dire. Lorsqu'on n'était pas bien avec une amie, toujours la même d'ailleurs, on s'amusait à lire des poèmes. Les poésies consolatrices. Alors ici, j'inventerai la mienne, ma petite histoire, pour la prochaine fois que je serai triste.